La croche oreille. Alors, salut tout le monde, bienvenue à la Croche-Oreille. Très heureux de vous retrouver ce soir autour du magnifique travail sonore de Paco Rossic, un travail que je vous présente en rappel parce que je l'ai présenté il y a plusieurs mois et c'est un travail qu'on a beaucoup apprécié. Alors, Paco Rossic, c'est un artiste visuel qui vit et travaille à Las Palmas, aux îles Canaries. Je résume son parcours simplement, ses 30 ans de carrière, un corpus important d'œuvres picturales, tableaux, murales, des sculptures, des estampes, des articles de magazines, des livres d'art, des illustrations pour les journaux, des commissariats et des œuvres sonores, évidemment, pour accompagner le tout. Et pour lancer ça, pour se plonger dans cet univers sonore de Paco Rossic, on écoute Latigo. C'est un fragment sonore tiré d'un magnifique album dont je vous reparle qui s'intitule Resounding Graphic. Thank you. Paco Rossic, c'est l'artiste dont je vous parle ce soir. Il est né au Maroc, a traversé la Méditerranée, a vécu et étudié les arts à Madrid, puis à Florence, en Italie. Il présente des œuvres d'art visuelles en public depuis 1986, c'est tout un bail. Il va développer à partir des années 2000 un intérêt marqué pour la création sonore et produire un premier album intitulé Mathematics on Nature. C'est un album qui donne une idée assez juste de la signature sonore de Paco Rossic. Il fait usage de field recording, c'est mixé à des bandes son préenregistrées et à du piano préparé, ce piano préparé qui va se retrouver au centre de plusieurs de ses créations. On dit de son travail que c'est un univers artistique hanté de souvenirs, de pensées qui passent de fantômes, de désirs nostalgiques et d'émotions innommables. C'est Ed Pinsent du magazine Sound Projector qui raconte tout ça. Chaque piste sonore est souvent accompagnée d'une aquarelle, d'un collage, ainsi que d'un texte de prose ou de poésie. Ça donne d'autres indices pour découvrir le sens de ses œuvres, dit-il. Je vous propose un enchaînement de titres. C'est tiré de l'album Mathematics on Nature de Paco Rossic. C'est un album qui, somme toute, donne vraiment le goût de voir ses œuvres visuelles. Thank you. les deux dernières pièces tirées de l'album Mathematics on Nature de l'artiste Paco Rossis, qui a composé de nombreuses œuvres d'art sonore, je le rappelle, qui accompagnent ces expositions d'art visuel présentées notamment en Espagne et aux îles de Canaries, son lieu de résidence. Il a lancé, Paco Rossis, en 2015, un album intitulé Collage et dispersion. C'est le titre aussi d'une exposition, projet sonore créé à partir, encore là, d'enregistrements faits sur le terrain, des field recording qui sont accompagnés de timbres sonores tirés d'un piano préparé. L'album a été très commenté sur Internet. On peut lire beaucoup de bonnes critiques. On dit de cet album, Collage et dispersion, qu'il suggère des tonalités très atmosphériques qui représentent le portrait sonore d'un espace inventé, artificiellement résonnant, dans lequel de petits objets métalliques sont ballottés par un vent frénétique. Alors, je vous propose qu'on écoute un titre, ça s'intitule Blind and Deaf Landscape. Daniel Barbero, c'est un journaliste du magazine Avant Music News, qu'il note que Paco recycle agence habilement en couches. On l'a vu dans la dernière pièce, des enregistrements sur le terrain, des traitements pianistiques avec le piano préparé et des sonorités électroniques, tout ça interconnecté pour souligner les contrastes entre les sons de grande gravité intermittents et les sons plus tranchants du piano transformés avec les objets. Le chant des oiseaux et les voix humaines viennent aussi ancrer ces paysages sonores dans la vie quotidienne, tout ça filtré selon Barberio par la sensibilité unique de Rosic. Ses œuvres sonores et picturales, raconte-t-il, affichent une pensée onirique enracinée dans la juxtaposition d'éléments improbables, une beauté, j'ouvre les guillemets, il dit, une beauté convulsive comme le voudraient les surréalistes. André Breton en première ligne. Thank you. Je vous fais entendre une dernière pièce avant la pause. Vous pouvez retrouver les œuvres de Paco Rossic sur son site. Vous allez retrouver ça sur pacorossic.blogspot.com. Paco Rossic, je vous appelle PACO pour Paco Rossic, ROSSIQUE pour Rossic. Donc, on l'écrit comme on le prononce et les œuvres que vous allez retrouver sur son site sont vraiment très, très inspirantes, très intéressantes. Alors, on complète la première demi avec une pièce intitulée The Space of the Door. C'est tiré de cet album qui s'intitule Collage et Dispersion. Les 27, 28 et 29 mars, c'est notre Radiothon annuel dont l'objectif est de 47 000 $. Des invités de marque, des prestations et des émissions spéciales en direct de nos studios vous seront proposées tout au long de cette fin de semaine exceptionnelle. Venez rencontrer vos animatrices et animateurs favoris et profitez-en pour renouveler votre carte de membre, miser sur plus d'une centaine de lots culturels ou bien faire un don. Cette fête de la radio vous sera présentée grâce au soutien financier de nos partenaires majeurs suivants. La brasserie artisanale La Corrigane, Audiolite, le Bal du Lézard et l'hôtel Château-Laurier. Votre appui demeure essentiel. Merci d'encourager la radio communautaire d'ici. L'accroche-oreille. Vous voulez voir l'arrivée à la télé? Oh, bah, je vais voir qui est bien. C'est la Croche-Oreille avec vous ce soir autour des créations sonores très inspirantes de l'artiste Paco Rossic, artiste visuel. Je vous rappelle entre-temps que vous pouvez retrouver toutes les pièces entendues ce soir sur le site La Croche-Oreille. Vous allez trouver ça facilement sur la toile. Vous y retrouverez sur le site le descriptif de l'émission. Les pièces entendues ce soir et les émissions, toutes les émissions produites jusqu'à maintenant qui sont disponibles en balado, diffusion pour écoute, quand ça vous tente, c'est à votre guise. Alors, Paco Rossic, il vit et travaille, comme je l'ai raconté, en première demi à Las Palmas et aux îles Canaries. C'est une communauté autonome espagnole, les îles Canaries, comme qu'on pourrait comparer à la Catalogne pour ce qui est de son statut politique, comme les Baléares. D'ailleurs, alors tout au long de sa carrière d'artiste, Rossic a créé des œuvres picturales, des sculptures, des livres d'artistes qui sont très souvent accompagnés d'univers sonores. Parmi ses expositions environnées d'art pour les oreilles, l'une d'elles est intitulée Palimpsestos, qui était présentée à la Galeria de Arte de l'Université de Las Palmas. Il y a 6 ou 7 ans de ça. C'est une exposition interactive composée d'œuvres picturales, de vidéos, de musique et de poésie. Les environnements habituels, je dirais, de Rossic. Il raconte que le spectateur doit déchiffrer le double sens qui est dissimulé dans le titre des œuvres qui sont pour la plupart liées à l'abstraction, au surréalisme et à l'expressionnisme. Dit-il, on parle ici de palimpseste, évidemment. Ce parchemin ou cette toile qui additionne les couches de matière et de sens. Alors, je vous propose qu'on écoute une pièce tirée de l'album Musica para Palimpsestos. C'est une pièce qui s'intitule Ultimos Ecos, donc l'écho ultime. Thank you. Alors, en 2017-2018, Paco Rossic a produit un fort bel album intitulé « Visit of the Stranger ». C'est un univers composé de voix désincarnées, de craquements et de chuchotements étranges. Tout ça environné d'instruments plus ou moins identifiables. On reconnaît le piano préparé, des drones et des prises de son ici et là. Ça en fait un album mystérieux, aussi déroutant que fascinant. On dit d'ailleurs que ce sont des sons de malaise, de suspicion, d'appréhension, sentiment subtil de crainte appréhendée. On peut lire ça dans la documentation. On peut lire aussi dans le texte de présentation que Visit of Stranger touche quelque chose de difficile à qualifier, mais d'indéniablement humain. The Visit of the Stranger a été publié sur cassette en édition limitée avec des illustrations en couleur et comprenant 10 œuvres d'art qu'on peut télécharger. Vous pouvez trouver ça assez facilement sur la plateforme Bandcamp. Alors, je vous propose qu'on écoute un titre tiré de cet album. Ça s'intitule « Isolated Choreography ». Thank you.

Alors voilà, un titre tiré de l'album Visit of Stranger de Paco Rossic. Eh bien, ça complète l'émission pour ce soir autour des créations sonores de l'artiste visuel Paco Rossic. Comme je l'ai mentionné, vous pouvez jeter un coup d'œil sur ses œuvres, livres d'artistes, maquettes, sculptures sur le site pacorossic.blogspot.com. Vous allez en taper ça sur la toile Paco Rossic. Vous allez retrouver à la fois ses œuvres sonores et ses œuvres visuelles. Cela dit, restez avec nous. C'est House and Swing qui s'amène avec Guillaume Quentin et Pierre-André Gobeil pour les deux prochaines heures, deux belles heures à venir. Quant à moi, je suis de retour la semaine prochaine, 21h sur les ondes de CKRL, 89.1 pour une autre aventure sonore. D'ici là, ben, je vous fais entendre, d'ici la fin de l'émission, pardon, un titre Stone at Neil Gatta, c'est tiré de l'album Visit of Stranger. Ici, Gaëtan Gosselin qui vous salue. Thank you. CKRL, communication, culture.